Bah, vous me direz, si vous y arrivez, parce que c'est pas facile à trouver. Il est disponible en DVD. Et puis on attend les retours. À condition d'être très riche, parce qu'il vaut une fortune. Alors vous pouvez le louer en DVD chez Vidéosphère, c'est ce que nous avons fait. Merci. On se quitte avec un hommage à la femme, cette fois-ci celui de Velvet Underground. Here she comes, you better watch your step. She's gone to break your heart in two, it's true. It's not hard to realize, just look into her false colored eyes. She'll build you up to just put you down. What a clown, 'cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book, your number 37, have a look. She's gone too smart to make you frown. What a clown. Everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. 'Cause everybody knows the thing she does. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, vous avez une question à poser. Les écrivains sont-ils responsables de ce qu'ils écrivent? Alors la question est complexe parce qu'elle traverse un ensemble de problèmes qu'on pose régulièrement à l'art. L'œuvre d'art est-elle autonome, indépendante de son auteur et de son contexte? L'auteur est-il obligé de se soucier de la vérité? Peut-on soumettre l'art au droit et à la morale? Ou encore, y a-t-il une frontière entre la vie et la création? Il faut que vous sachiez que c'est un roman un peu autobiographique. Mais agencé comme un roman. Probablement pour des raisons d'équilibre, j'ai inversé les situations. Tiens, tiens. Mais j'ai fait la même chose avec les personnages. Souvent, je me suis servi de trois personnes réelles pour créer un personnage. Oui, oui, amalgame, création, tout ça, je connais. Mais enfin, tout de même, Antoine, j'ai de bonnes raisons de penser qu'à chaque fois que vous mentionnez la fille des jeunesses musicales, c'est de moi dont il s'agit, non? C'est en écoutant les émissions sur Truffaut cette semaine que je me suis souvenue du personnage d'Antoine Doinel qui raconte sa vie dans un roman intitulé « Les salades de l'amour ». Et j'ai pensé à tous ces auteurs qui s'inspirent eux aussi de leur vie. Autobiographie, récit à la première personne ou autofiction. Le genre est désormais installé dans le paysage littéraire. Mais est-il pour autant accepté ou acceptable ? Là-dessus, le cas Yann Moix a été édifiant. Raconter sa vie, et en l'occurrence une enfance maltraitée, n'est pas sans dommage collatéral. Son père et son frère ont ainsi eu leur mot à dire, tenant à rétablir la vérité. Mais au-delà de ce problème de vérité, après tout, en ce qui concerne ses souvenirs, on est tous dans la reconstruction, il y a ce problème de responsabilité de l'écrivain. Est-il responsable de ce qu'il écrit? Plus précisément, est-il responsable de l'histoire qu'il a vécue et qu'il décide de raconter? C'est un autre roman qui paraît en cette rentrée qui pose aussi cette question. C'est « Nous étions nés pour être heureux » de Lionel Duroy, dans lequel un écrivain fait de son drame familial la matière de ses romans et tente après ça de se réconcilier avec ses frères et sœurs en guerre contre lui. Ce qui est d'ailleurs le cas de Lionel Duroy lui-même. Les gens ont peur de ce que peut produire la vie. Et ils en ont tellement peur, en fait, qu'ils vous font des procès pour essayer d'empêcher que vous disiez ce qui s'est passé. Mais c'est incroyable, d'ailleurs, quand on y pense. J'entendais Christine Angot, là, que j'aime énormément. On essaie de dire véritablement notre vérité profonde. Et il y a des gens qui vont demander à des magistrats de nous interdire de le dire comme si c'était indicible, comme si c'était indécent de dire qui on est. Lionel Duroy, qu'on vient d'entendre, mais aussi Christine Angot, Marcella Yacoub ou Camille Laurence, pour ne citer que, tous ont été attaqués en justice par leurs proches. En cause, l'atteinte à la vie privée. Concept que ne connaît pas la littérature, mais qui est pourtant valide en droit. D'où ma question, un auteur est-il responsable de son histoire, de la raconter et d'y impliquer ses proches? La responsabilité de l'auteur n'est pas une question neuve, le droit peut d'ores et déjà trancher, et la sociologue Gisèle Sapiro en a fait un livre rappelant les rapports entre la liberté d'expression et la morale, depuis la Restauration, de Flaubert et Baudelaire jusqu'aux écrits collaborationnistes. Mais une chose est d'être tenu pour responsable aux yeux de la loi, ce qui est d'ailleurs le cas de Lionel Duroy et Christine Angot, condamnés tous les deux pour leur texte, une autre l'est d'être responsable d'avoir seulement parlé. Car de quoi au fond sont responsables les écrivains d'autofiction? De rendre publique une histoire privée, certes, mais est-ce tout? N'y a-t-il pas aussi le reproche de dire ce qui ne devait pas être dit? C'est bon pour les gens. Ce n'est pas que nous voulons leur apporter un bienfait, ce n'est pas que nous voulons leur révéler un secret, mais nous voulons communiquer avec eux. Pour nous, nos livres ont de valeur dans la mesure où les autres les reprennent. Communiquer, c'est l'accent que met Sartre sur le rôle de l'écrivain. Dans Qu'est-ce que la littérature? Il dit encore ceci, que je trouve génial. Parler, c'est agir. Toute chose qu'on nomme n'est plus tout à fait la même. Elle a perdu son innocence. Si vous nommez la conduite d'un individu, vous la lui révélez. Il se voit. Et comme vous la nommez en même temps à tous les autres, il se sait vu dans le moment qu'il se voit. Son geste furtif, qu'il oubliait en le faisant, se met à exister énormément, à exister pour tous. Après cela, comment voulez-vous qu'il agisse de la même manière? Ce qui est ainsi reproché aux auteurs d'autofiction, c'est d'avoir communiqué, mais plus d'avoir fait exister. Mais peut-on accuser un écrivain de ça? Faudrait-il qu'il se taise ou demander l'autorisation aux personnes concernées, comme pour les images par exemple? L'écrivain est responsable face à la vie, au droit ou à la morale. Mais je dirais même plus, je dirais qu'il est plus que responsable parce qu'il fait exister les choses. Et ce serait pour le coup irresponsable de n'attendre pas ça de la littérature. Tant mieux donc, s'il y a eu des atteintes et des procès, au moins ça veut dire que l'écriture a agi. Vous posez la question de savoir si les écrivains sont responsables de ce qu'ils écrivent. Pensez-vous que les chroniqueurs sont responsables de leurs chroniques? Tout à fait, j'assume tout. Bon, eh ben, c'est courageux de votre part, Géraldine. On peut réécouter votre chronique en ligne sur le site du journal de la Philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Jules Barbier avec Isis Jourda, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine à la prise de son, c'était Déborah Dagobert, à la lecture des textes Noémie Lvoski. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série autour de François Truffaut. Demain, ce sera le cinéaste Christophe Honoré qui viendra parler de son amour pour les films de François Truffaut, de la manière qu'ont eu ces films d'influencer son propre travail. On parlera de Jules et Jim, du dernier métro, mais aussi des chansons d'amour. Bref, une valse à deux temps entre Christophe Honoré et François Truffaut. D'ici là, réécoutez cette émission. C'est très facile, hein, cette émission en compagnie d'Éric Neuf aujourd'hui sur François Truffaut. Il suffit de vous rendre sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins de la Philosophie vous attend également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.